Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignement tout près assise sur ma grande chaise minu elle joignait les mains sur le plancher frissonne baise ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonnait dans son sourire et sur son sein mouche rosier. Je baisais ses fines chevilles et eut un doux rire brutal qui s'égrenait en claire trille, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauveront. Veux-tu finir la première audace permise? Le rire feignait de punir. Pauvre et palpitant sous ma lèvre, je baise doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière, oh c'est encore mieux. Monsieur, j'ai deux mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire d'un beau rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignement tout près, tout près.